Issa Diawara, selon vous, pourquoi est-ce que Pékin a choisi d'équiper le camp de Kati? Selon vous, c'est une stratégie ou alors le choix, il est juste anodin comme ça? Non, ce n'est pas que Pékin a choisi d'équiper le camp de Kati. C'est les autorités du Mali ont librement choisi d'acheter les armes à Pékin. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ils sont pas, le Mali, ce n'est pas un bras armé africain, la Chine. Il s'agit d'une alliance, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. La Chine s'est fait de l'argent et bien sûr le Mali en échange s'est procuré des armes. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi avoir accepté? Est-ce que la Chine a été contrainte de vendre les armes au Mali? La réponse évidemment c'est non. Il s'agit d'un État souverain. L'opération a eu lieu d'État souverain à État souverain. Parce que jusque-là, n'oubliez pas qu'est-ce que la France avait fait pendant des décennies entières. Elle a toujours juré qu'elle va armer, elle va vendre des armes aux pays africains. Et on ne peut pas me citer dans l'arsenal militaire du Mali un seul avion, à tout cas un seul hélicoptère de combat acheté à la France. Ça n'existe pas. Or, aujourd'hui, vous avez affaire à des partenaires qui n'ont pas un passé colonial ici au niveau de l'Afrique. Ça, c'est important de le souligner. Qui n'ont pas un passé d'avoir occupé le Mali. C'est important de l'avoir souligné. Qui n'ont pas un tel passé, en tout cas, contre le peuple malien. Donc, c'est des gens qui vivent de leur côté. Nous aussi, nous n'avons pas ce passé avec eux. Donc, il n'y a pas ce contentieux historique entre la Chine et le Mali. Donc, c'est deux peuples qui se respectent. Et en toute souveraineté, deux peuples ont accepté, bien sûr, d'effectuer cette transaction. Maintenant, si la Chine n'a pas été contrainte, non seulement est-ce qu'elle manque suffisamment d'argent à tel point de courir vendre ses armes au Mali, la réponse, évidemment, c'est non. Elle aussi, elle a des ambitions géopolitiques. Elle a besoin de se faire des partenaires. N'oubliez pas que toutes ces puissances, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient occidentales, c'est-à-dire américaines, allemandes, françaises ou autres, ce sont des gens qui ont des industries qui fonctionnent à base de certaines matières qu'on peut trouver qu'en Afrique. Et ce sont des puissances qui ont tout intérêt à avoir des pays africains comme amis pour bénéficier une relation de gagnant-gagnant. Mais ce qui n'est pas le cas avec les Occidentaux. Si les Occidentaux avaient accepté de coopérer de gagnant-gagnant avec les Africains, que la France s'éloigne de ses ambitions néocoloniales, c'est-à-dire quoi? Et de vouloir taper une monnaie pour nous, ne sait pas pour combien de pays africains, de nous imposer sa langue. La Chine ne nous impose pas sa langue. La Chine ne nous impose pas une monnaie. La Chine ne nous impose pas de rebelles. C'est la France qui n'est jamais rassasié, qui n'est jamais satisfait. Je n'ai jamais vu une personne, en tout cas, une nation aussi gourmande que la France. Un bloc aussi gourmand que celui de l'Occident. Comment vous pouvez nous imposer votre langue? Cela ne vous suffit pas. Vous nous imposez une acculturation corsée. Cela ne vous suffit pas. Vous nous imposez une monnaie. Cela ne vous suffit pas. Vous nous imposez des guerres encore, des génocides. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut de nous? Et heureusement, aujourd'hui, le peuple d'Afrique sont dans leur droit d'aller vers d'autres partenaires. Or, les Chinois sont aussi combattus par ces mêmes Occidentaux. N'oubliez pas deux dossiers au niveau de la Chine. Les Ouïghours, trois dossiers. Le dossier Hong Kong, le dossier Ouïghour et le dossier de la Taïwan. Les Américains veulent bien sûr armer, transformer Taïwan en une base avancée militaire contre la Chine. Les Anglais veulent continuer à instrumentaliser Hong Kong pour les soulever contre la Chine. Et bien sûr, on veut instrumentaliser la question des Ouïghours comme une question de droit de l'homme contre la Chine. La même question, la même instrumentalisation a lieu contre le Mali. Voyez-vous, ici vous avez le peuple malien et le peuple chinois qui se retrouvent, qui ont beaucoup de points communs. Donc, si aujourd'hui acheter des armes à la Chine peut nous aider à mettre fin à l'hégémonie occidentale du côté du Mali et de l'Afrique subsaharienne, c'est tant mieux pour le Mali et tant mieux pour la Chine. De l'autre côté, même si vous allez du côté de la Russie, il y a un thème là-dessus, mais c'est la même chose. Les mêmes qui instrumentalisent les questions des droits de l'homme en Russie sont les mêmes qui instrumentalisent les mêmes questions au niveau du Mali, même questions au niveau d'autres pays encore. Donc, puisque nous sommes tous victimes des mêmes étrangers, des mêmes prédateurs, des mêmes hyènes, des mêmes plaies, que qu'est-ce qui nous empêche, nous les victimes, de nous mettre ensemble, chacun dans son rôle? Si les Chinois ont aujourd'hui la capacité de vendre des armes, tant mieux. Si les armes chinoises peuvent nous permettre aujourd'hui d'asseoir notre souveraineté, de nous libérer, et bien sûr de construire, d'élargir notre souveraineté, bien sûr, non seulement en essayant d'obtenir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, c'est ça la clé de la chose, en essayant de nous sécuriser, d'essayer de sécuriser toutes les ambitions que le Mali doit se doter, que l'Afrique doit se doter, c'est tant mieux pour l'Afrique. Et je ne pense pas qu'il y ait un discours d'une cinquième colonne quelconque qui puisse permettre, pousser le Mali à s'éloigner d'un partenariat gagnant-gagnant, comme est venu pleurer ici une dame qui s'est dit ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, venir oser dire au Mali d'arrêter de collaborer avec la Russie. Au même moment, l'Allemagne continue de commander, de ramper pour avoir du gaz du côté de la Russie. Mais c'est quoi ça? L'Allemagne a sa souveraineté, le Mali a sa souveraineté, la Chine a sa souveraineté, chaque peuple a une souveraineté. Tant pis pour ceux qui veulent enlever aux autres peuples la souveraineté, n'oubliez pas. Quand je dis l'Europe, l'ancien secrétaire, l'ancien directeur de la CIA, il avait dit quoi? Je cite, les Américains sont libres d'utiliser de tous les moyens pour obtenir des informations au vu de la sécurité des Américains. Ça, c'était pourquoi? Pour justifier la torture, les massacres au niveau de la prison d'Abu Ghraib en Irak. Madame, pour terminer, ce qui s'est passé au niveau de la prison d'Abu Ghraib en Irak, mais ils ont usé des tubes contre des femmes, contre des hommes, et à de mauvais endroits, juste pour les faire parler, juste pour les pousser à mentir. N'oubliez pas qu'ils ont violé des enfants devant leur papa, juste pour que leur papa soit obligé, soit contraint de parler. Ce sont les mêmes qui osent aujourd'hui se promener, s'ingérer dans les affaires internes des nations, et bien sûr parler des questions des droits de l'homme, comme si des centaines, des milliers, des millions de morts qui sont faits dans le monde, ce n'étaient pas des humains. Ils ont peut-être juste tué de la paix. Je vous remercie. Merci également à vous, Issa Diawara. Afrique Média, le monde, c'est nous.